visé. Organisé comme la bande au Libanais. Le guetteur a pas vu les siffles tellement qu'il planait. Attitude, je m'habille comme un anglais. Dans le 13, ça fait des bras gantés. La rue te rattrape aussi vite que ton ombré. Je me suis relevé autant de fois que je suis tombé. Je lâche pas mes popotes comme un supporter et lâche pas le OM. J'envoie 4 albums, bam. Pourtant toute l'année c'est pas Noël. Jeune de cité, ça coche sur le côté, j'ai choc au poignet. Je roule en Clio pour pas que vous me voyez. Beaucoup de jaloux, de bâtards, peu d'alliés. T'as plein des ventes, appelle-moi l'alien. On fait du biz, on fait des affaires. Faut donner la force, j'ai qu'est-ce qu'il t'a à faire. Cache la bûche en sortant du terre-terre. C'est miné comme au rond-point de fond vert. Je vois les képis de dedans l'alerte. Peu magique, je m'en fume à l'air. Avec le temps, j'oublie les malheurs. Faut tout reprendre comme Toto a pas l'air. Sur la bécane, chaussette sur la ASIC, je passe les rapports. Au comico, je les emboucane. Je suis ni l'évident, je donne pas l'époque. Marseille, c'est criminel. Ça peut te tanker dans la gorge avec un opinel. Ça parle en gitan, en rital. Et ça rajoute des strois à la fin des voyelles. La BST, on est gros, de loin j'entends les gyros et tous les jobbers crient ara. Ça fait rentrer la patate et le réseau il bombarde comme à Yokohama. Jical, kilo, 3 filtrés. Jical, booking cet été. Jika, vis prend pour le réfé. Jika, pour le faire éclater. Tu veux de la bonne, y'en a. Pour les jeunes de cité dans la paranoïa. Excité par le terrain, les vécus effroyables. Escapé de la rue, j'ai évité la noyade. La routine tue, la chevrotine aussi. Le buzz s'accentue, mais je reste lucide. C'est la dictature comme Joseph Staline. Lâche sous les tues, votre caille cristalline.